studio d'Affaires Production. Vous voulez vice possible. Mais avec qui? Bourombella. Mangou, Mangou. Master, Gento Le Champolo. Mokambia, chef en couloir. Willy Kos, Félix, toujours changer de trajectoire. Et ça, bon, mon maître, à qui m'a bon, mon Simbola. Dada, banana, dilamba. Steven, c'est Maya, pas Francis, roi des Gaules. C'est l'office de procédure ainsi que fils de force. Okay. c'est ça. Oh, yeah, yeah. Romantique comment? Bâti à sa vie. José Elonga, le consolateur. DJ Franck, na chaîne Temba. Serment au prétaki, mon toisala qui t'aime à Kamwe, ton ami Boingi, contenu à faire ma naï, sentiment d'un patana moto yoso, ma bénigna sali, ton ami en la pati. Constant au Mali, il y a sa vie qui commis. Mon indi, mon tonalina kaki mangaï, pati à sabe, mon mobo se pela, loco la bobeta mona, l'ife non zamba, tiamona va mauvais, attendé nini, batwa ma beba kokutana, loco la colina moto et commande tumbu, et en gagna pati soukaliwa. Marlène Kassanga, Yves Abdallah, Hélène Kalema. Fini, botongi, bolobina, komwa mwana ne moto, pova mwa. Angai, pati, ya sabe. Ebole na vino, ya mwana ne boya sengai. Mwana ni nyango ye, bolingi, komu nangana, zala jwa yeteo. Nzote silinga, kokondo, susi. D'enfer, beau côté lana, à ce qu'a dit j'ai trouvé, n'a moi n'a ma mari. Camionnette mola, ma vie, la hip hop amour. Je n'ai pas l'air non nous n'a pas ça, puis dans ses bons sens, la hip hop amour. Willy Tinga, na VV, salut Sangaïko. Félix Mobando, Suzerland, toujours et toujours, Sylvie Chapeau. Bolingo, Yambana Pati, Romanti, vers le début. Chez nos mamans, mon zéma, qui doit prendre ton aïeul et guérir, au centre de la Naïbou. Bolingo, Yambana Pati, Romanti, vers le début. Marius Mouba Motomo Susu, Monoko Soni Soni Monoko Iba Balini Ba Panza Nova Moe Christian Agno Monde La Bake 92 Le grand prêtre de la synagogue a fait ma bengue Bolingo Yamana Kapati Romanti Asabi Yasabina Genoma Kokonze Maki Kokonze Patia ye bisina ya mitoka kule nifanye nini ma vivutu asaba ye bisina ya mitoka kule nifanye nini ma vivutu oh mweve oh ikeleve chalera patie mokenga moto asolisa nga azate Nana chapanya mwaza wapi Sans toi pati, ma vie est foutue Sans toi sabe, ma vie est foutue Sans toi junior, contre Eza, Kadi Vital, Marie Bamoyen, 12 balles, Nasefa. Patia Yebisina, Amito Kakule, Asaba Benanina, Amito Kakule, Ni Fanye Nini, ma vie foutue, Ni Fanye Nini, ma vie est foutue. Songe soke si source de la vie Simplice bataza wapi Il est repifani na brasa mon vieux Oli wo, yamba na pati O manti, verre de vie Je n'en m'en pas mon zemba Qui t'en m'en t'en la yé lége lége O sante a karaï Je n'en m'en pas mon zemba Et tant que qui, pourquoi et de quel droit Et tout dans les lieux d'enfer, va l'obibo qui capende. Le Sikini, le Samboué. Maître Kim Kabongo, Bina. Touke Lomboto, Baka Nangai Bokira Dokondo. Yeah!